mais quel serpent l'a mordu? Pourquoi ce venin dans ses veines? Est-ce un jour Dieu qui l'a voulu, qu'il n'y ait dans son cœur que la haine? Peut-être a-t-il vendu son âme pour qu'il n'engendre que la peine, et pour qu'il n'y ait que des larmes dans les yeux de tous ceux qui l'aiment. Peut-être est-il enfant du diable, puisqu'il n'a conçu que le mal, puisqu'il a rendu misérable les dernières lois de la morale. Je l'aurais pourtant prévenu, moi qui ne vivais que pour lui, moi qui croyais qu'il aurait pu changer une seule fois dans sa vie. Est-ce qu'au moins il s'en rendra compte de toutes les vies qu'il a gâchées? Être sa femme me fait honte, j'ai honte de toujours m'aimer. Peut-être est-il enfant du diable, puisqu'il n'a conçu que le mal, puisqu'il a rendu misérable les dernières lois de la morale. Peut-être est-il enfant du diable, puisqu'il pourra donner la main, lui qui a rendu misérable